Nous allons, à partir d'aujourd'hui, reprendre l'étude de ce livre de l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, que nous avions commencé, et cela chaque samedi après la prière du Asr dans cette mosquée. Après une absence de 2 mois, on entame aujourd'hui, inshallah, le 11e cours. Et pour ceux qui n'étaient pas là durant les cours précédents, ce livre est un résumé de la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son physique et dans sa moralité. Dans ce livre, il y a un certain nombre de chapitres dans lesquels nous sont cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien par les sahaba radiyallahu anhum les qualités sublimes et les descriptions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça commence par sa description physique, sa taille, la couleur de sa peau, son corps, ses poings, ses os, ses dents, la couleur de son visage, ses cheveux, sa démarche, alayhi salatu wassalam, et aussi le sceau de la prophétie, le morceau de chair qui est sur son dos, ou qui est toujours d'ailleurs sur son dos, alayhi salatu wassalam, et bien d'autres choses encore, les objets qui étaient en sa possession, comme son épée, son casque pour la guerre, son bouclier, alayhi salatu wassalam, et bien d'autres choses encore. Et aujourd'hui, c'est le 11e cours, après une absence de 2 mois. Nous reprenons le 11e cours, inshallah ta'ala. Et nous sommes le 23, nous sommes, pardon, la date, nous sommes le 31 août 2013. Et le cours précédent, qui s'en rappelle? Amidou. Très, inshallah. Dans le cours précédent, la dernière chose de laquelle on a parlé était le casque que portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa tête. Et dans ce dernier hadith, on avait lu que Anas ibn Malik radiyallahu anhu khabarana anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhala Makkah 'am al-Fath wa 'alayhi miqdar. Quand il est entré à la Mecque le jour de la conquête sallallahu alayhi wa sallam, il portait sur sa tête ce casque, ce kamay, le casque que l'on met pendant la guerre, pendant la bataille. فلما نزعه قيل له هذا ابن خطل. Quand il a enlevé de sa tête ce casque, quelqu'un a aperçu un homme qui s'appelle Ibn Khattal. Et il a tout de suite dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voici Ibn Khattal. Pourquoi? Car cet homme-là faisait partie de 4 personnes, parmi lesquelles Ikrima ibn Abi Jahl et 2 autres, qui étaient recherchés par le prophète alayhi salatu wassalam et par les sahaba radiyallahu anhum à cause du mal qu'ils ont fait aux musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit aynama wajadtumuhum uqtuluhum. Là, dans n'importe quel endroit où vous les verrez, tuez-les. Il leur avait même permis de tuer ces 4 personnes dans les endroits sacrés, au haram, dans les mois sacrés. Et celui-ci, qui est Ibn Khattal, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné l'ordre aux sahaba radiyallahu anhum de lui ôter la vie? Car, à la base, il était musulman. Il s'était converti à l'islam. Et il avait un servant. Il a assassiné son servant et sorti de l'islam et s'est sauvé. Les compagnons radiyallahu anhum ont dit هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. Ô messager d'Allah, voici ابن خطل accroché au rideau de la Kaaba. فقال اقتلوا. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit tuez-le. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. Et ce jour-là, le prophète صلى الله عليه وسلم n'était pas en état d'ihram. Mais ici, nous citons ce hadith juste pour révision et pour faire le lien entre ce dernier hadith et le nouveau chapitre dans lequel on va entrer aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Quant à Ikrima ibn Abi Jahl, il n'a pas été tué, ni par le prophète alayhi salatu wassalam, ni par les sahaba, alors qu'il faisait partie de ces quatre personnes recherchées. Et la raison pour laquelle il n'a pas été tué, c'est qu'il s'est converti à l'islam et il s'est repenti. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à la Mecque pour reconquérir ce village qui était la Mecque, certains parmi les gens ont pris la fuite à bord d'un bateau en direction de l'Éthiopie, de l'Abyssinie. Et parmi ces gens, Ikrima, qui était à bord de ce bateau. Et quand la tempête et les vagues ont commencé à frapper les unes contre les autres, les gens qui étaient apeurés se sont mis à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, seuls et sans associés. Ces gens qui étaient associataires et qui adoraient leur divinité en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'un d'entre eux a dit aux autres, Ud'u Allah, mukhlisina lahu ad-din. Invoquez Allah, sincèrement lui voulant un culte exclusif. Et Allah Azza wa Jal fait référence à cela dans le verset où il nous dit, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et lorsqu'ils embarquent les bateaux, lorsqu'ils embarquent en mer, ils se mettent à invoquer Allah sincèrement en lui vouant le culte exclusif. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Et quand Allah leur apporte le secours et les conduit sur la terre, les voilà qu'ils se remettent à associer. Ce verset fait référence au comportement de Quraysh, qui est un peuple qui adore autre qu'Allah. Mais quand il est touché par une calamité ou une difficulté, il sait que seul Allah est capable de la dissiper, c'est pourquoi il ne réclame qu'à Allah le secours. Et c'est ce qui s'est passé à bord de ce bateau, pendant cette tempête. Ikrima ibn Abi Jahl, qui était là et qui a entendu ces gens qui se sont mis à invoquer Allah seul et sans associés, a été touché et pris par l'étonnement et il s'est dit, celui qui est le seul à être capable de nous sauver aujourd'hui de la noyade et de cette tempête est le seul qui mérite l'adoration quand on est en sécurité. Si Allah me sauve aujourd'hui, oh Allah, si tu me sauves aujourd'hui de cette tempête, je prends l'engagement avec toi de me diriger vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et d'embrasser l'islam, de me repentir et certes, je le trouverai doux et compatissant. Allah Azza wa Jalla a exaucé, il les a sauvés, Ikrima est retourné discrètement voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi discrètement? Car les compagnons étaient à sa recherche. Donc il fallait qu'il atteigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant que les sahaba ne l'aperçoivent. Et c'est ce qu'il a fait, et le prophète alayhi salatu wassalam l'a accepté, et il est devenu musulman, et il a été épargné. Donc c'était le dernier hadith que l'on a vu dans le cours précédent. Nous entrons aujourd'hui dans le 16e chapitre. Al-Bab al-Sadis Hachar. Bab ma ja'a fi imamati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ce chapitre concerne le turban du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-imama اسم يطلق على ما يلبسه الإنسان في الرأس. Ce mot, imama, qui est traduit par turban, désigne ce que l'homme porte sur sa tête. Désigne un vêtement que l'homme porte sur sa tête. وقيل بأنها سميت عمامة لأنها تعم الرأس. Certains parmi les savants disent que ce vêtement est appelé imama, qui est traduit en français par turban, car il englobe la tête. Car dans le mot imama, nous avons ces trois lettres de base qui sont Ayn, Mim, Mim, Amma. Et à la base, ces trois lettres veulent dire englober une chose. Englober une chose. C'est pourquoi, quand on donne une parole globale, on dit Hada kalamun am. C'est une parole globale. C'est une parole qui englobe toute chose dans la langue arabe. Ici, imama, ce vêtement a été appelé comme tel car il englobe la tête. Donc on comprend que c'est un vêtement qui recouvre la tête. Les Arabes avaient l'habitude de porter ce vêtement. كانت العرب تلبس العمامة على رؤوسها. Les Arabes avaient à l'époque l'habitude de porter ce vêtement sur leur tête. donc ce qui est appelé en français le turban. Fa labisaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa labisaha as-sahaba radiyallahu anhum. Le prophète alayhi salatu wassalam a donc porté la imama, tout comme les compagnons radiyallahu anhum aussi l'ont porté. Et nous avons vu à travers certains cours passés, ra'ayna anna al-asla fi al-libas al-hil ma lam yakun mukhalifan li shar'illah. Nous avons une règle, nous avons vu une règle de base concernant les vêtements, qui est que, à la base, chaque vêtement est licite tant que celui-ci ne contredit pas l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'à la base, le musulman a le droit de se vêtir comme bon lui semble et de porter ce qu'il souhaite comme vêtement, sauf dans le cas où ce type de vêtement a été interdit par Allah tabaraka wa ta'ala, comme par exemple la soie pour les hommes, c'est un vêtement qui est interdit à l'homme de porter, ou bien comme le vêtement qui est transparent et qui donc laisse apparaître la nudité de l'homme, la awra, et bien d'autres choses encore, le vêtement qui est rouge vif, auquel n'est pas mêlée une autre couleur, et bien d'autres choses encore. Tout cela sont des vêtements qui sont interdits. Mais à la base, les vêtements sont licites. Et parmi les vêtements qui sont à la base licites et qui le restent, l'imam, le turban, tout comme l'izar, que nous allons voir dans le chapitre suivant, et bien d'autres vêtements encore. Et la base dans cela, la règle, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il dit à un compagnon, « Il bas ma shi'ta bila israfin wa la makhila. » Porte ce que tu veux, sans faire d'excès et sans t'enorgueillir. Porte ce que tu veux sans faire d'excès, sans t'enorgueillir. فهذا الباب, donc ce chapitre, عقده المؤلف رحمه الله لبيان ما يتعلق بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. A été cité par l'auteur de ce livre, qui est l'imam al-Tirmidhi رحمه الله, afin de traiter ce qui est en relation avec la description de ce turban que portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hay min haythu lawnuhu, dans sa couleur, ou aussi, dans sa forme. Nous venons de voir dans le hadith précédent que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à la Mecque le jour de la conquête, qu'est-ce qu'il portait sur sa tête? Je viens de le dire tout de suite. Il portait un casque, le kamay, le casque de guerre pour protéger sa tête de l'ennemi. Et regardez ce hadith d'aujourd'hui. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. جابر بن عبد الله رضي الله عنه, un noble compagnon, nous dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra à la Mecque le jour de la conquête, il portait un turban noir. Est-ce que ce hadith vous pose problème par rapport au suivant? Dans le précédent, il est dit que quand il est entré à la Mecque, dakhala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi mirfar. Il portait le kamay, le casque sur la tête. Et dans ce hadith-là, nous voyons que quand il est entré à la main, il portait sur la tête un turban, une imama. Qui est-ce qui peut me dire s'il y a une contradiction ou pas? Et qui est-ce qui peut lier ces deux hadiths? Hein? Il portait le casque par-dessus le turban. Et ça, c'est une des paroles des savants, radiyallahu anhum, rahimahum. Certains savants ont dit لا تنافي بين الحديثين حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة كان يلبس العمامة وعليها المغفر. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux hadiths, car quand le prophète عليه الصلاة والسلام est entré à la Mecque pour la conquête, il portait le turban par-dessus lequel il portait le casque صلى الله عليه وسلم. D'autres ont dit, والاحتمال أن المغفر لبسه أولا عندما دخل مكة ثم عندما استتب الأمر وهدأت الأمور نزعه عليه الصلاة والسلام ولا لبس العمامة. D'autres ont dit que le prophète عليه الصلاة والسلام est entré à la Mecque le jour de la conquête. Il portait sur sa tête le camail. Et cela jusqu'à ce que le calme est revenu et que les gens sont entrés en islam et qu'il n'y avait plus besoin de combattre ou de se protéger, alors il a enlevé le casque alayhi salatu wa salam et il a porté l'imama, il a porté le turban. L'imama, le turban, c'est le tissu que la personne porte sur la tête et avec lequel elle enroule sa tête. Voilà ce que portait le prophète alayhi salatu wa salam. Certains savants, parmi lesquels l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son livre Zad al-Ma'ad, les provisions du retour, qui est un livre dans lequel sont traités des aspects de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous dit قَالَ بِأَنَّهُ لَمْ يَتَّخِذْ الْعِمَامَةَ لِبَاسًا رَاتِبًا ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظيمة البتة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pris ce vêtement qui est le turban comme un vêtement qu'il portait continuellement. Ce n'était donc pas un vêtement qu'il portait pendant les fêtes ou pendant l'accomplissement de la prière du vendredi ou pendant les grands rassemblements. Pas du tout. Donc ici, nous allons voir un sujet, car certains pensent que porter la imama, c'est une sunna. Et c'est pourquoi ils la portent. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pris ce vêtement comme un vêtement qu'il portait continuellement dans les occasions, comme les fêtes, ou bien les prières du vendredi, ou bien les grands rassemblements. Loin de là. وإنما اتفق له لبس اللبس العمامة السوداء يوم الفتح دون الصحابة وكان يلبس العمامة بالذؤابة وبدون. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah poursuit, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté l'imama le jour où il est entré à la Mecque pour la conquête. C'était une imam, un turban de couleur noire, que les sahaba radiallahu anhum ne portaient pas. Pourquoi il nous dit ça? Qu'est-ce qui peut répondre à cette question? Non. Les sahaba suivaient le prophète, alayhi salam. Ici, le prophète est entré à la Mecque en portant sur sa tête un turban noir, et les compagnons ne l'ont pas porté. Pourquoi Ibn al-Qayyim rahimahullah nous cite ce point-là? Pour distinguer. Là, le prophète alayhi salatu wassalam n'aimait pas se distinguer de ses compagnons, bien au contraire. Là. C'était spécifique à lui. Là, ce n'est pas la bonne réponse. Barakallahu fik. Comment tu t'appelles? Masha'Allah. Les compagnons ne l'ont pas porté, cela nous montre que ce n'est pas une sunna de le faire. Car les compagnons sont les premiers à suivre la sunna. Et quand l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit dans son livre, labisaha al-nabi sallallahu alayhi wa sallam dun as-sahaba, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam l'a porté, et les compagnons ne l'ont pas porté, c'est justement pour nous montrer que si c'était une sunna, ils seraient les premiers à l'avoir porté avant ceux qui le portent au jour d'aujourd'hui. Radiallahu anhum. وكان يلبس العمامة بالذؤابة وبدون. والذؤابة اسم لما ينزل من العمامة وراء الظهر بين الكتفين. فكان أحيانا رضي الله صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة في رأسه بدون أن ينزل شيء. وأحيانا يلبسها ويترك شيئا ينزل على ظهره بين كتفيه وهذا شيء اسمه الذؤابة. Des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait le turban sans que rien ne tombe de derrière le dos. Vous voyez le turban, le tissu avec lequel on enroule la tête. Si vous avez vu certains frères porter ça, des fois on voit que derrière celui-ci, il y a justement un bout qui tombe, un bout de ce tissu qui tombe derrière le dos et qui vient tomber entre les deux épaules. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois quand il portait la imama, le turban, laissait tomber un morceau de tissu derrière son dos. Ce morceau de tissu s'appelle en arabe zu'abatun, zu'aba. Et des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait l'imama sans rien laisser tomber sur son dos. Donc on comprend qu'on ne peut pas dire qu'il fait partie de la sunna de laisser zu'aba ou bien de l'enlever, de laisser tomber ce morceau de tissu ou bien de l'enlever, en sachant qu'à la base le fait de porter l'imam n'est pas une sunna en tant que telle. Nous allons voir ça plus loin, inshallah. Le deuxième hadith, عن عمرو بن حريف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. Dans ce deuxième hadith, عمرو بن حريف رضي الله عنه nous enseigne que le prophète صلى الله عليه وسلم s'est adressé aux gens dans un discours qu'il a prononcé et il portait un turban noir. عليه الصلاة والسلام. Donc, voici une information que l'on a pris, qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait un turban, et que ce turban était de couleur noire. Alayhi salatu wa salam. Le hadith suivant, Ali ibn Umar radiyallahu anhuma قال, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم, إذا لبس العمامة, سدل عمامته بين كتفيه. Donc, ce hadith qui est rapporté par Ibn Umar, dans celui-ci, il nous dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait le turban, il en laissait retomber un pan entre les épaules. Ce pan, c'est celui qui est appelé en arabe du'ab. Donc, on voit ici qu'il laissait parfois, sallallahu alayhi wa sallam, il laissait tomber de derrière son dos ou sur son dos un pan, un morceau de tissu qui venait tomber entre ses deux épaules. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم ابن محمد وسالما يفعلان ذلك. Et les pieux prédécesseurs nous rapportent que Abdullah ibn Umar رضي الله عنه et que القاسم ابن محمد et Salim sont des pieux prédécesseurs le faisait. Quand il portait l'imam à le turban, il laissait le pan retomber sur leur dos. Rahimahumullah. Tabaraka wa ta'ala. Le dernier hadith de ce chapitre, عن Abdillah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء. والمراد بالدسماء سوداء. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa aux gens dans un sermon en portant un turban noir. En portant un turban noir sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce qui a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi dans ce chapitre concernant l'imama, le turban du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachez que il n'y a aucun hadith authentique lam yassih fi bab al-imama hadith wahid fi fadl al-imama ou fadl al-salat bi al-imama wa ma ila dhalik. Aucun hadith n'est rapporté authentiquement concernant le mérite du port du turban ou bien le mérite de la prière tout en portant le turban et toutes ces choses-là. Il n'y a aussi aucun hadith, ولم يصح حديث واحد فيه حث النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره بلبس العمامة. Aucun hadith n'est authentique concernant le port de l'imam, le fait ou l'obligation de la porter, ou l'ordre ou l'encouragement même de la porter, ne serait-ce que de manière recommandée ou préférable ou méritoire. Il n'y a aucun hadith. Les seuls hadiths que nous avons sont les hadiths qui nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois l'a porté. C'est tout. À partir de là, personne ne peut dire que porter la imama est une sunna. On ne peut pas dire que porter la imama est une sunna et que donc il faut le faire. Tout comme personne ne peut blâmer quelqu'un qui ne porte pas la imama en lui disant لماذا لا تلبس الإمام البسها لأنها سنة هذا غلط. On ne peut pas dire pourquoi tu ne portes pas la imama alors que c'est une sunna, cela est une erreur. Tout comme on ne peut pas faire cette chose-là avec l'izar, tout comme on ne peut pas faire cette chose-là avec le ni'al, avec les sandales, avec le jubba, avec le rida, avec le manteau, avec ces vêtements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait. Pourquoi? لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها لأن قومه كانوا يلبسونها والسنة ألا تخالف القوم الذي تعيش معهم. Et ce qui est de la sunna, c'est de ne pas contredire le peuple avec lequel tu vis. Ici à la base, on parle des peuples musulmans. On parle des peuples musulmans. Quand on vit avec un peuple qui n'est pas musulman, on porte ce qui est bon dans la religion, ce qui ne comporte tout ce qui ne contredit pas les règles religieuses. Mais quand on est avec un peuple dans un pays, par exemple musulman, et que celui-ci a l'habitude de porter un type particulier de vêtements, on ne doit pas leur ressembler, car c'est ce qui est appelé par le prophète alayhi wasallam libas ash-shuhra. Libas ash-shuhra أن تأتي بين قوم هم اعتادوا لباسا معينا فأنت تعيش معهم وتلبس لباسا آخر إلا إذا كنت زائرا في هذا البلد حينئذ يجوز لك أن تخالفهم في اللباس. Donc لباس الشهرة, le vêtement de la célébrité, si on peut appeler cela comme ça, c'est le vêtement que porte la personne qui vit avec des autres, mais qui n'est pas comme les autres vêtements portés dans la coutume de ces gens. Tant que celui-ci ne contredit pas l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, cela n'est pas permis. Donc, si par exemple, tu es dans un peuple de musulmans, qui ne connaît pas l'imam, pas du tout, personne ne le porte, et toi tu vis avec eux, si tu la portes, peut tomber dans le vêtement de la célébrité qui a été interdit par le prophète alayhi salam. Pourquoi la célébrité? Car il attire le regard de l'œil. Car personne n'a l'habitude de porter ce vêtement, donc les gens te regardent. Tu deviens célèbre à cause de ce vêtement-là. À la base, l'imama, c'est un vêtement qui est tout simplement licite. Un jeune a interrogé les savants de l'ajna da'ima, du comité permanent de la fatwa, dans laquelle il y avait Al-Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, Al-Fawzan, Al-Ghudayan, Bakr Abu Zayd, rahimahullah, jami'an. Il y avait tous ces savants-là. Ils ont reçu une lettre d'un jeune qui leur a dit لَقَدْ لَبِسْتُ الْعِمَامَ وَقَصَرْتُ ثَوْبِي وَجَعَلْتُهُ أَعْلَى مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَأَعْفَيْتُ لِحْيَتِي وَتَمَسَكْتُ بِالسُنَّةِ فصار الناس يسخرون مني ويلومونني على أنني فعلت ذلك فالسؤال هل ما أفعله من السنة هل العمامة من السنة واللحية وتقصير الثوب. Un jeune homme a dit à ces savants-là, il s'est plaint et il leur a dit oh noble savant, depuis un certain temps j'ai laissé pousser ma barbe, j'ai raccourci mon vêtement et je l'ai fait monter au-dessus des chevilles. Et je porte le turban. Mais voilà que les gens qui sont autour de moi se moquent de moi et me disent qu'est-ce que c'est que cette nouvelle apparence que tu as. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il fait partie de la sunna et est-ce que j'ai bien agi quand j'ai porté l'imama, laissé pousser la barbe et raccourci mon vêtement? Faqalu al-jawad. الحمد لله الذي هداك إلى السنة. La réponse fut loué soit Allah celui qui t'a guidé à la sunna. Ils disent أما إعفاء اللحية ف فهو واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى. Quant au fait de laisser pousser la barbe, c'est une obligation religieuse au sujet de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laissez pousser vos barbes. Wa taqsir al-thawb fa inna inzal al-thawb tahta al-ka'bayn haram. Et sache que quand tu as monté ton vêtement au-dessus de tes chevilles, tu as bien fait, car laisser tomber le vêtement en dessous des chevilles est une chose interdite par Allah. L'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma asfal al-ka'bayn fa huwa fi an-nar. Le vêtement qui tombe en dessous de la cheville sera dans le feu. Les savants ont dit que la personne parmi les hommes qui laisse son vêtement tomber en dessous de sa cheville sera châtiée dans cet endroit dans lequel le vêtement est descendu en dessous de sa cheville. Puis ils ont poursuivi en disant amma libsuka lil imam fa innaha laysat sunna wa innama kanat 'ada. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لأن القوم لبسها. Quant au port du turban, cela ne fait pas partie de la sunna. Le prophète صلى الله عليه وسلم l'a porté car les gens de son peuple eux-mêmes l'ont porté. L'imam ibn Uthaymin رحمه الله a dit aussi العمامة ليست من السنة وإنما هي من العادات وإنما السنة أن توافق القوم الذي تعيش معهم. فإذا كانوا يلبسون العمامة تلبسها فليست هي سنة بذاتها وإنما السنة موافقة القوم في اللباس. L'imam al-Uthaymin rahimahullah a dit le port de la turban, le port du turban n'est pas une sunna, mais il fait plutôt partie des coutumes et des choses qui sont tout simplement licites et permises. Mais ce qui fait partie de la sunna, c'est d'avoir à peu près les mêmes vêtements que les vêtements du peuple avec lequel tu vis, le peuple musulman avec lequel tu vis. Alors si ce peuple a l'habitude de porter l'imam, il fera partie de la sunna de la porter. L'imam ne sera donc pas une sunna en tant que telle, mais ce qui fera partie de la sunna, c'est de ressembler au peuple musulman avec lequel tu vis. وَبِهَذَا يَتَّضِحُ الْأَمْرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. Avec cela, je pense que la question de l'imam est une question éclaircie. Donc, il ne faut pas croire qu'il fait partie de la sunna de porter l'imama, tout comme l'izar qui est le panier, le vêtement que l'on porte à partir du nombril qui vient descendre jusqu'à au-dessus de la cheville. Le deuxième chapitre d'aujourd'hui, al-bab sadis ashar, bab ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابع عشر. Le 17e chapitre. Le chapitre qui concerne le bagne du prophète صلى الله عليه وسلم. الإزار هو ما يلف جزء البدن الأسفل. الإزار هو ثوب. الإزار, le pagne, est un vêtement qui vient entourer la basse partie du corps, le bas du corps. À la base, un izar, ce n'est pas un pantalon et ce n'est pas une chose sur laquelle il y a un élastique ou un lacet. C'est un tissu qui est simple que la personne va entourer, avec laquelle la personne va entourer le bas de son corps, et c'est ce qui est porté par al-hajj ou al-mu'tamir, celui qui fait al-hajj ou l'umra. Vous voyez qu'il porte deux vêtements. En dessous, il porte le pagne et au-dessus, il porte le rida, c'est-à-dire le manteau. Deux étoffes de tissu qui sont portées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait l'izar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait l'izar. وَلَمْ يَصِحَّ حَدِيثٌ وَاحِدٌ فِي فَضْلِ الْإِزَارِ وَفِي سُنِّيَّتِهِ. Aucun hadith authentique n'est rapporté concernant le mérite du port du izar, non plus concernant le caractère de la sunna de porter ce vêtement. Donc, il rentre dans le registre de la règle des vêtements, qui est qu'à la base, tous les vêtements sont licites, sauf ceux qui sont interdits par des textes. Et nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le portait, pourquoi ? Car son peuple le portait, et qu'il est une des règles de l'islam de ne pas contredire le peuple musulman avec lequel tu vis tant que le vêtement qu'il porte ne contredit pas les ordres d'Allah et n'est pas interdit par Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà ce qu'est l'izar. Premier hadith de ce chapitre, عن أبي بردة رضي الله عنه عن أبي أبو بردة رضي الله عنه rapporte un hadith de son père. Abu Burda, c'est le père de Abu Musa al-Ash'ari, رضي الله عنه. Aywa. Abu Burda, c'est le fils de Abu Musa al-Ash'ari, رضي الله عنه. Il nous rapporte qu'Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu nous dit « Akhrajat ilayna Aishatu radiyallahu anha kisa'an mulabbada wa izaran ghaliza faqalat qubida ruhu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi hadain. » C'est le premier hadith qui est rapporté. Al-kisa qit'atun min al-kumash laysat makhita. Aïcha radiyallahu anha nous dit, elle sortit, donc c'est Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qui nous dit que Aïcha radiyallahu anha sortit à notre intention, c'est-à-dire qu'elle est allée les voir, sortit à notre intention, elle a sorti pour eux, pardon, un kissa. Ici on dit un manteau. Un kissa, c'est le nom que l'on donne à un vêtement, un tissu, qui n'est pas cousu. Donc, il ressemble au izar, en fait. Et il se porte en haut. Et il peut être appelé rida. Donc, c'est un tissu qui se porte en haut, qui sert à recouvrir la partie haute du corps, raccommodé. Ce manteau était raccommodé. Et un pagne rache. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté ce vêtement-là, ces deux vêtements. Au-dessus, il a porté Al-Kissa, et en bas, il a porté Al-Izar Ghalid, un Izar qui est dit Rech. Et Rech, c'est, vous savez ce que c'est. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté ces vêtements-là que Aisha radiallahu anha est venue présenter aux sahaba radiallahu anhum ajma'in. Et elle a dit, qubida rasulullah, ruhu rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, fi hadain. Puis elle dit, l'âme du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été rappelée à Allah dans ses deux vêtements. C'est-à-dire que, quand il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, il portait ses deux vêtements, alayhi salatu wa sallam. Qu'est-ce que l'on tire de ça? On tire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait un izar, puisqu'il est mort dedans, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, il a même été lavé pendant son lavage mortuaire en portant ses vêtements. Les sahaba radiyallahu anhum qui ont nettoyé le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort ne lui ont pas ôté ses vêtements, sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième hadith, عن الأشعث ابن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها. أشعث ابن سليم rapporte que sa tante rapporte de son oncle. Cette femme dit, mon oncle a dit. Et certains savants disent que cette femme qui est la tante de l'Ash'ath ibn Sulaym est une femme inconnue. الشيخ الألباني رحمه الله nous a cité son nom. Qui est Rahm, Rahmun. Cette femme s'appelait comme ça. Mais quant à sa biographie ou la connaissance de sa vie, c'est une chose qui est inconnue. Elle dit que son oncle a dit, Bayna ana amshi bil madina, ida insanun khalfi yaqul, irfa' izarak, fa innahu atqa wa abqa, fa idha huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء فقال عليه الصلاة والسلام أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقين. sallallahu alayhi wa sallam. L'oncle de cette femme dit, alors que je marchais un jour à Médine, un homme derrière moi m'a dit soudainement, relève ton pagne. C'est-à-dire que l'oncle de cette femme marchait dans la ville de Médine et il portait un pagne, ce vêtement au bas du corps. Pendant qu'il marchait, il a entendu la voix d'un homme derrière lui qui lui dit, relève ton pagne, ne le laisse pas traîner, ne le laisse pas redescendre comme cela. Il lui dit, فَإِنَّهُ أَتْقَى وَأَبْقَى, car cela est plus pieux et plus pur. Qu'est-ce qu'il veut dire par plus pieux? Et qu'est-ce qu'il veut dire par plus pur? Plus pieux, أَتْقَى لِرَبِّكَ لِأَنَّهُ مِنْ تَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَلَّا تُسْبِلَ ثَوْبَكَ وَأَلَّا تَتْرُكَهُ نَازِلًا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ فَإِذَا رَفَعْتَ ثَوْبَكَ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ كُنْتَ مُطِيعًا لِلَّهِ فَطَاعَةُ اللَّهِ تَقْوَى اللَّهِ فقال له ارفع إزارك فإنه أتقى أي أتقى لله عز وجل وأبقى أي أبقى للثوب حيث أن الثوب إذا كان دائما يجره صاحبه على الأرض فلا شك أنه يبلى أسرع من أنه إذا كان يرفعه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, relève ton pagne, car cela est plus pieux et plus pur. Plus pieux pourquoi? Car il est interdit à l'homme de laisser tomber son vêtement en dessous de sa cheville. وَهَذَا مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ, et cela fait partie des péchés majeurs. وَهُوَ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَتْرُكَ ثَوْبَكَ يَنْزِلُ تَحْتَ الْكَعْبِ الثوب النازل تحت الكعب صاحبه آثم واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك ذكر العلماء في كتب كبائر الذنوب إسباء الثوب أي إنزاله تحت الكعبين. Il fait partie des péchés majeurs de laisser tomber le vêtement de l'homme en dessous des chevilles. C'est pourquoi les savants qui mentionnent les grands péchés dans les livres sur les péchés majeurs comme Imam Zahabi et autres encore ont cité parmi les péchés majeurs le fait que l'homme laisse le vêtement descendre en dessous de sa cheville. C'est pourquoi quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cet homme avec le vêtement qui tombait en dessous de sa cheville, lui a dit, irfa' izarak, relève ton pagne, fa'innahu atqa, car cela est plus pieux pour Allah, wa abqa, est plus durable pour ton vêtement. Pourquoi? Car quand la personne laisse son vêtement traîner à terre, il est clair que celui-ci va s'user plus rapidement que les vêtements qui est relevé et qui donc ne traîne pas à terre. Donc, voici deux choses. Quand la personne relève son vêtement, c'est plus pieux pour elle. Et en même temps, c'est plus durable pour son vêtement. قَالَ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Mais qui était cette personne? L'oncle de la femme se retourne et voit que le prophète صلى الله عليه وسلم est celui qui s'est adressé à lui en lui donnant cet ordre. Alors il dit, يا رسول الله, إنما هي بردة ملحة ملحة تأنيث أملح وأملح أي أبيض وفيه سواد كما جاء في الحديث ذهب أو ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين أي فيه سواد وبياض. ومراده هنا يا رسول الله أنا لا أكون فيه من أهل الخيلاء. انظر هذا الثوب متواضع بردة ملحة فيها سواد وبياض. أراد أن يقول يا رسول الله أنا لا أتكبر ولا أفعل مثل ما يفعله الناس إذا أسبلوا ثيابهم خيلاء. Il lui dit, au messager d'Allah, ce n'est qu'une burda, et le burda c'est le nom d'un vêtement, c'était le hizar ici qu'il portait, ce n'est qu'une burda, ici en arabe on dit malha, malha c'est le féminin de amlah, et amlah c'est le nom que l'on donne à une chose qui est noire et blanc, une chose qui est noire et blanc. Comme le professeur sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié deux moutons qui ont été qualifiés par amlah, c'est-à-dire noir et blanc. Pourquoi il dit ça? Il dit au messager d'Allah, regarde ce vêtement, ce n'est qu'un modeste vêtement qui est noir et blanc. Ce n'est pas un vêtement avec lequel je m'enfle d'orgueil quand je le laisse traîner en dessous de ma cheville. Il a voulu se justifier. Il a voulu montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam que quand il laisse son vêtement tomber en dessous de sa cheville, Il ne le fait pas par orgueil. Donc il peut le faire. Pourquoi il dit ça? Car dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man jarra thawbahu khuyala lam yanzur illahu ilahi yawm al-qiyamah » Celui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui qui laisse tomber son vêtement en dessous de sa cheville, celui qui laisse tomber son vêtement en dessous de sa cheville par orgueil, Allah ne le regardera pas le jour du jugement dernier. » Alors certains ont dit, donc celui qui laisse descendre le vêtement en dessous de sa cheville et qui ne fait pas cela par orgueil n'est pas concerné par l'interdiction. Et ils disent, c'est pourquoi quand Abu Bakr radiallahu anhu disait, ô messager d'Allah, mon vêtement tombe en dessous de ma cheville, car il était maigre, radiallahu anhu. Et à chaque fois, son vêtement tombait en dessous de sa cheville. Alors, il le remontait. Il est allé voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, ô messager d'Allah, mon vêtement tombe en dessous de ma cheville. Et je le remonte. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, lesta min ahli al-khuyala. Tu ne fais pas partie des gens de l'orgueil. Donc, certains ont pris ce hadith pour dire que celui qui laisse tomber son vêtement et qui ne fait pas cela par orgueil n'est pas considéré, mais n'est pas concerné par l'interdiction de faire cette chose. Or, cette compréhension est erronée, c'est une erreur. Pourquoi? Premièrement, car nous voyons dans ce hadith même que Abu Bakr, radiallahu anhu, quand il voyait son vêtement tomber en dessous de sa cheville, il le remontait. Donc, il ne le faisait pas intentionnellement, contrairement à la personne qui le fait intentionnellement. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'il s'apercevait que son vêtement descendait en dessous de sa cheville, il le remontait immédiatement, car le prophète a interdit à l'homme de laisser tomber son vêtement en dessous de la cheville. Deuxième raison, deuxième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné que Abu Bakr radiallahu anhu ne fait pas partie des gens orgueilleux. C'est un témoignage. Et quand le prophète parle dans la religion, il ne le fait que par révélation qui lui est faite, émanante d'Allah tabaraka wa ta'ala par l'intermédiaire de Jibril. Donc en fait, c'est une attestation de la part d'Allah qu'Abu Bakr radiallahu anhu n'est pas orgueilleux. Qui ici peut dire « Allah atteste que je ne suis pas orgueilleux » Troisièmement, comment nous pouvons répondre avec à cette argumentation? Nous disons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a défini quel est l'orgueil. Et bien sûr, cette parole a été donnée par le Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad, hafidhahullah, dans l'explication de ce passage de ce livre. Il dit, « قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق رمط الناس أي تحقير الناس » L'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et de s'enorgueillir, de se sentir meilleur que les autres en y méprisant. Donc, « بطر الحق يكون برده » فإذا سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تمتثل تعتبر أن رادا الحق وتعتبر متكبرا فعندما تسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين فهو في النار ثم لا تمتثله أنت من أهل الكبر. Donc il dit que celui qui rejette la vérité s'est enorgueilli. Donc, quand tu entends que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui laisse, ou plutôt le vêtement qui tombe en dessous de la cheville sera dans le feu, c'est une interdiction, car quand le prophète cite le feu dans un péché, sache que ce péché est un péché majeur. Donc, c'est une interdiction. Si toi tu ne la mets pas en pratique, si tu ne délaisses pas cette chose-là, et tu ne remontes pas ton vêtement en dessous de ta cheville, tu es considéré comme ayant rejeté la vérité. Et au-dessus de ta cheville, tu es considéré comme ayant rejeté la vérité. Et le prophète, alayhissalatu wassalam, nous dit que celui qui rejette la vérité est orgueilleux. Donc en fait, tu le fais, tu es orgueilleux. Car tu as désobéi au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, ici même, regardez, ici il veut se justifier en disant au messager d'Allah, ce n'est qu'une un panier qui est noir et blanc, c'est-à-dire avec lequel je ne me vante pas ni ne me crois plus haut que les autres. Qu'est-ce que le prophète alayhissalam lui a dit? Et comment lui a-t-il répondu? Et cela doit être une règle pour le musulman. Le musulman, quand il voit un hadith ou un verset, il ne doit pas polémiquer, mais il doit suivre cette règle. Le prophète alayhissalam lui dit, « Amala kafiya uswak » Ici, ça a mal été traduit. La vraie traduction, c'est « N'as-tu pas en ma personne, n'as-tu pas en ma personne un modèle à suivre ?» Ne vois-tu pas en moi un modèle à suivre? Et cela est en accord avec la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans surat al-Ahzab, les coalisés. لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez certes en la personne du messager d'Allah un bon modèle à suivre pour celui qui espère en Allah ou لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ou qui espère en Allah et au jour dernier et qui invoque Allah, qui évoque Allah abondamment, abondamment. L'imam ibn Kathir rahimahullah a dit هذه الآية أصل في وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. Ce verset est une preuve fondamentale, une base dans les preuves qui concernent l'obligation d'imiter le prophète صلى الله عليه وسلم يرحمك الله et de le suivre. Donc regardez, ce compagnon lui dit à Rasulallah, أنا لا أتكبر ولست من أهل الخيلاء. Je ne fais pas partie des gens qui le font par orgueil. Le prophète l'a corrigé et orienté vers la règle que doit suivre le musulman. Quelle est cette règle? أما لك فيا أسوة. N'as-tu pas en moi un bon exemple? Et c'est avec cela qu'on doit répondre à chaque musulman et musulmane qui, lorsqu'on leur dit par exemple pour une chose qui est mauvaise, ne fais pas cette chose-là, il dit, c'est makruh, ce n'est pas haram. C'est détestable, ce n'est pas interdit. Al-jawab, ama laka fi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam uswa, n'as-tu pas en la personne du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam un exemple à suivre pour une personne à qui on recommande de faire une chose qui est méritoire, préférable, mais qui n'est pas au degré de l'obligation, elle te dit, ce n'est pas obligatoire, donc je ne la fais pas. La réponse, n'as-tu pas en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam un exemple à suivre? Il dit, je me suis mis à le regarder et j'ai vu que son pagne arrivait à la moitié du tibia. À la moitié du tibia. Donc voilà la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le port du vêtement quand il descend dans la jambe de l'homme. Il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a ce qui est de la sunna. En fait, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, dans l'explication de Riyad al-Salihin, a cité 4 points concernant le vêtement de l'homme et sa taille. Il dit premièrement, le premier point, sunna, fait partie de la sunna. Ma huwa kalatib, c'est le fait de laisser al-thawb ila nisf al-saq, de laisser le vêtement tomber au milieu du tibia. Cela est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thaniyan, mubah. Deuxièmement, il dit, simplement permis. Wa huwa ma bayna al-saq wal-ka'b. Et c'est ce qui est entre la moitié du tibia et cela jusqu'à la cheville. Tout cela est tout simplement permis. Qala, thalithan, troisièmement, haram wa min kaba'ir al-dhunub. Interdit et parmi les péchés majeurs, wa huwa an tatruka al-thawb yanzil taht al-ka'bayn bidun khuyala. Le fait de laisser ton vêtement tomber en dessous de ta cheville sans orgueil, c'est un péché majeur, min kaba'ir al-dhunub. Ayyuha al-ikhwan, mes frères, cela fait partie des péchés majeurs. Il dit rabi'an min kaba'ir al-dhunub walakinahu ashadd وَهُوَ إِسْبَلُ الثَّوْبْ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ بِخُيَلَى. Quatrièmement, péché majeur, mais plus grave encore comme péché, dans le péché, qui est de laisser tomber le vêtement de l'homme en dessous de sa cheville, et cela avec orgueil. Donc, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a cité 2 choses concernant le vêtement de l'homme qui descend en dessous de la cheville. Celui qui est fait par orgueil et celui qui n'est pas fait par orgueil. Alors, celui qui est fait par orgueil, est un, celui qui n'est pas fait par orgueil, est un péché majeur. Pour quelle raison? Hadith rapporté par Al-Bukhari selon Omar ibn Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ma asfala al-ka'bain wa huwa finnar » Qala ibn Hajar rahimahullah « Min al-izar wa ghayrihi » Ce qui tombe en dessous de la cheville sera dans le feu. Ibn Hajar rahimahullah a dit que cela soit le panique ou autre parmi les vêtements. Donc c'est un péché majeur. Et dans l'autre hadith, on voit que c'est un péché encore plus grave s'il est fait par orgueil. Le prophète alayhi sallam dit man jarra thawbahu khuyala lam yanzur Allah ilayhi yawm al-qiyamah. Celui qui laisse tomber son vêtement par orgueil, Allah ne le regardera pas le jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier. Donc voilà ce qui concerne isbal al-thawb. Et beaucoup de hadiths sont cités ici. Al-Sheikh Abdelrazzaq, Rahimahullah, a cité une histoire qui a eu lieu avec Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, fi qissati maqtalihi, radiyallahu anhu. Lorsqu'il s'était assassiné, il était pendant la prière du Fajr, et un homme est venu l'a poignardé. Ta'anahu ta'anan. Wa kana ad-dam يعني يخرج منه بقوة وشدة وسرعة. Le sang sortait de lui, son corps se vidait de son sang. Il était à l'agonie. Les gens sont venus le voir pour lui faire les adieux et pour le rassurer. Certains sont venus jusqu'à ce qu'un jeune homme est arrivé. دخل شاب وكان عمر رضي الله عنه على فراش الموت. الدم يخرج وينزل وهو يقرب من الموت وهو في الشدة هذه. Il était dans cette difficulté, le jeune homme est venu le voir, lui a passé le salam et l'a rassuré. Et l'a rassuré وبشره بأنه كان إماما عادلا صالحا. Il était un homme pieux, un imam juste, etc. Puis il est parti. Quand il est parti, Omar ibn Khattab, dans cette situation que l'on vient de décrire, le sang qui sort de son corps, certains parmi les sahaba lui ont apporté à boire du laban, et quand il l'a bu, tout le laban est sorti de sa blessure, pour vous donner une image de la blessure qu'il avait. Dans cette situation, qala ud'u shab, radduhu alayhi, faites revenir ce jeune. Faradia ilayhi shab, le jeune est revenu à lui. Omar était en train de mourir. Il lui a dit, irfa'a thawbak. فَإِنَّهُ أَتْقَى وَأَنْقَى. Il lui a dit, lève ton vêtement, car cela est plus pieux et plus pur pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Les savants ont tiré de ce hadith-là l'importance de lever le vêtement au-dessus de la cheville, à un point où même à l'agonie, pendant qu'il était en train de mourir, il n'a pas laissé l'ordre, le fait d'ordonner le bien et de blâmer le blâmable. Donc, Inch'Allah, j'espère que cela va être suffisant pour tous les frères qui entendent cette parole, que ce soit en direct ou à travers l'enregistrement, pour arrêter de laisser tomber le vêtement en dessous de la cheville et de faire cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hadith suivant est rapporté par Hudayfa radiyallahu anhu. Hudayfa ibn al-Yaman qala akhadha Rasulullah صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقي فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. Donc Hudayfa رضي الله عنه nous dit que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم lui a pris son mollet. Le mollet, c'est l'os qui est derrière, le muscle qui se trouve derrière le tibia. Donc ici, on voit la douceur dans le conseil. À un point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son compagnon, il a voulu lui enseigner comment doit être la taille de son vêtement et jusqu'où celui-ci doit descendre. Il est venu et il lui a pris son mollet. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui dit, هذا موضع الإزار. Voilà l'endroit où doit tomber l'Izar. C'est ici qu'arrive le bas du vêtement. C'est ici qu'arrive le bas du vêtement. Puis il lui dit, فَإِنْ أَبَيْتْ فَأَسْفَلْ. Si tu le veux autrement, alors que ce soit plus bas. C'est-à-dire entre le demi du tibia et la cheville. Donc c'est la partie permise, ici, que Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a cité. Et si le prophète alayhi salam lui dit, voici la sunna. Voici la sunna. Tu dois laisser ton vêtement au mollet, au milieu du tibia. Si tu ne veux pas, alors tu peux le faire entre le tibia et la cheville. Puis il lui dit, si tu ne le veux pas encore, sache que le bas du vêtement n'a pas le droit d'être aux chevilles. C'est-à-dire n'a pas le droit de descendre en dessous des chevilles. فَإِنْ أَبَيْتْ لَا تُرِيدْ أَنْ تَرْفَعَ ثَوْبَكْ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهُ بَيْنَ السَّاقِ وَالْكَعْبِ فَإِنْ لَمْ تُرِدْ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَتْرُكَهُ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ. Il dit, et si tu ne veux pas, sache que le bas du vêtement n'a pas le droit d'être aux chevilles, c'est-à-dire n'a pas le droit de tomber en dessous des chevilles. Et j'espère que cela va être suffisant et encourageant pour mes frères qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, se remettent en question et ne laissent pas leurs vêtements tomber en dessous de la cheville, car on vient de voir l'interdiction formelle de cet acte. Il reste une question ici concernant la femme. Est-ce que la femme est concernée par l'interdiction de laisser tomber le vêtement en dessous de sa cheville, comme certains pourraient le penser? Qui a la réponse? Est-ce qu'il est interdit à la femme de laisser tomber son vêtement en dessous de sa cheville? Qui a la réponse? Voilà. Il est autorisé. Elle doit le faire. C'est obligatoire pour elle de le faire. Et c'est la réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith d'Abdullah ibn Umar, rapporté par l'imam al-Nasa'i et authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah, قال من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. Le prophète nous dit, celui qui fait tomber son vêtement, il laisse traîner son vêtement, par orgueil, Allah ne le regardera pas le jour de la résurrection. قالت أم سلمة, sa femme أم سلمة lui dit, يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن. L'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande, comment doivent faire les femmes? Est-ce qu'elles sont concernées par cette interdiction? قال ترقينه شبرا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, laisse tomber ton vêtement d'un empan. الشبر هو هذا وهذا من هنا إلى هنا هذه المسافة اسمها الشبر في اللغة العربية. Un enfant, en arabe, c'est la distance qui sépare le pouce de l'index quand les deux sont ouverts et tendus. Donc le prophète والسلام, dit à Umm Salama, laisse tomber ton vêtement d'un shibr. Puis elle dit, قالت إذن تنكشف أقدامهن. Si on fait cela, ses pieds, les pieds des femmes, vont se découvrir. فقال عليه الصلاة والسلام ترخينه ذراعا ولا تزيدنا عليه. Le prophète عليه الصلاة والسلام lui a alors dit, laisse-le tomber d'une coudée. الذراع هو ما بين المرفق إلى أعلى الأصابع. هذا الذراع وهذا الشبر. Le prophète عليه الصلاة والسلام lui dit alors, laisse tomber ton vêtement d'une coudée. Et le coudée, c'est l'avant-bras. Du coude jusqu'au haut des doigts. Laisse tomber ton vêtement d'une coudée et ne rajoute pas à cela. Donc, la femme, elle doit faire. Et son vêtement tombé par terre. Elle doit même laisser le vêtement traîner par terre. Comme le prophète al-Sahab nous dit ici. Et quand on dit verra au chibre d'un empan ou d'une coudée, ce n'est pas laïsa min nisser, ce n'est pas à partir de du mollet qu'elle doit compter un empan ou une coudée, c'est à partir du qadam, c'est à partir du pied lui-même, comme a dit le Cheikh Abdelrazzaq, hafizahullah. Pourquoi? Il dit, car le prophète, alayhi salatu wasalam, il dit ici, a dit, turkhinahu shibra. فَإِذَا فَعْلَتْ ذَلِكَ مِنْ نِسْفِ السَّقْ سَيَظْهَرُ الْقَدَمْ. Il dit que le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit à cette épouse, laisse tomber ton vêtement d'un empan. Si elle fait laisser tomber son vêtement d'un empan à partir du mollet, on va voir une grande partie de son pied, et le pied de la femme fait partie de la aura qui est interdit de dévoiler aux hommes étrangers. Donc, on comprend de cela que la femme doit laisser son pied caché. Al-Sheikh Abdurrazzaq, rahimahullah, nous dit, وَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ يَعْرِضُ لَهُ بَعْضَ الشَّيْءِ لماذا؟ لأن في هذا مصلحة المرأة ماذا؟ عورة المرأة. Il nous dit, même si le vêtement des fois est touché par exemple une impureté dans le sol, une saleté, etc., elle doit le faire. Pourquoi? Car c'est pour couvrir sa aura. Et c'est comme ça qu'a réagi Umm Salama. Elle dit, ya Rasulallah, on va voir nos pieds. Elle va voir nos pieds. Et alors le prophète, alayhi salam, lui a montré comment couvrir ses pieds. Et ici, نحذر أشد التحذير من يسخر بالمرأة التي ترخي ثوبه على الأرض. On met en garde toute personne qui se moque de la femme musulmane qui écoute le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui laisse tomber son vêtement par terre et qui lui dit, هذا وسخ, qu'est-ce que tu fais, quelle est cette nouvelle religion avec ton vêtement sale? Et parfois on emploie des termes qui sont mauvais, malheureusement. Cela est interdit. وَهَذَا يَدْخُلُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Cela rentre dans la parole d'Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى. مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. Celui qui se fait l'ennemi d'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. الَّذِي يَسْتَهْزِئُ بِمُؤْمِنْ وَمُؤْمِنَ بِسَبَبِ طَاعَتِهِ لِلَّهِ يُحَارِبُهُ اللَّهِ. في الدنيا والآخرة. Celui qui se moque d'un croyant ou d'une croyante parce qu'il obéit ou elle obéit à Allah, Allah Azza wa Jalla lui déclare la guerre dans ce bas monde, tout comme dans l'au-delà. Donc voilà ce qui concerne la femme. Wallahu alam. Wa naktafi bihada. On s'arrête ici, inshallah. Wa ila al-sabt al-muqbil, samedi prochain. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.